Yes. Open your heart and your Africa. Own your soul. Africa. Africa. Under your arm. Finalement, on va manquer de billets. Salut, salut. Bon les copains, je pense que je vais débrancher. Et Alexia, elle veut rester et moi, on m'a proposé de bosser en scred. Je sais pas ce qu'il a dit Macron, je l'ai même pas écouté. Thank you. Doesn't know. Thank you.